L'actualité à Nancy et ailleurs. Projection du film Voir la Corse autrement, ce sera le jeudi 10 mars. C'est proposé par plusieurs associations, les associations Vue d'Ensemble et du Sport Plein la Vue. Jean-Michel Gonsalves, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association du Sport Plein la Vue. Ce film a été réalisé par Christine Stromboni et Yves Vancy, qui est présidente de l'association Vue d'Ensemble, et nous fait suivre le périple de 15 randonneurs sur les traces du mythique GR20 en Corse. Que représente ce film pour vous ? Oula, beaucoup de choses. L'aboutissement d'un défi qu'on s'est lancé entre déficients visuels. C'est une occasion de retrouver aussi des amis de Strasbourg et de réunir plusieurs associations. Donc il y a Vue d'Ensemble Strasbourg, il y a Ivoire à Strasbourg, il y a Lucia en Corse, et puis du Sport Plein la Vue. Et ça, c'est fédéré par une grosse association qui s'appelle Art de Vie à Saralbe. Ce périple, comme je le disais, sur le GR20, vous y avez participé vous-même ? Oui, bien sûr. Oui. C'est la première fois que je faisais une partie du GR20, puisqu'on ne l'a pas fait complètement. Mais c'est 200 km, hein, c'est ça à peu près. Oui, c'est un peu long pour nous. Oui. Et puis c'est vrai que quand on est déficient visuel, ce n'est pas évident. Voilà. Mais déjà, faire quelques parties du GR20, c'est déjà pas mal. Ça nous montre déjà tout ce qu'il y a à faire. C'est assez fabuleux. Quoi. Ce périple, il y a eu lieu quand ? Alors, c'était au mois de mai l'année dernière. On est parti fin mai, début juin, du 25 au 4 juin. Et comment s'est fait le fait de mettre ça sur film ? On a fait des petits bouts de film. Et en fin de compte, on a rencontré Christine Stromboni sur place. Et quand elle a vu ces petits bouts de scène, elle a dit allez, on peut en faire un film. Voilà, et c'est né comme ça, quoi. En fin de compte, c'était des petits bouts d'espoir, on va dire, qui avaient été filmés comme ça. Et du coup, elle a fait un projet, quoi, là-dessus. Le sport, ça fait partie intégrante, hein, de votre association, du Sport Plein la Vue. Qu'est-ce que vous faites normalement sur une année Nous, on a démarré, c'est donc le sport adapté pour la déficience visuelle. Donc nous, on fait un peu de randonnée sur Nancy, sur les Vosges. On fait donc du tandem, de l'aquagym, du yoga, du shodan, du tennis de table pour déficients visuels. Enfin voilà, on fait déjà pas mal d'activités sportives. Et puis après, on se tente aussi à faire d'autres sports. On a fait de l'équitation, on a fait aussi de la raquette, de la marche nordique. Voilà, on fait plein de choses. Voilà. Pour découvrir ce film, hein, ce sera le jeudi 10 mars à Saint-Max, avec une projection et qui ne se limitera pas à la projection puisqu'un débat sera organisé après. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui on va retrouver ? Eh ben, on va retrouver le réalisateur Yvan Sy, la réalisatrice ne pourra pas venir. Il y aura Bernard Barbiche, donc le président de l'association Art de Vie. C'est lui qui a organisé tout le séjour. Et donc, nous, les associations de déficients visuels, on a rameuté, on va dire, nos troupes. C'est vrai que c'est un projet commun à plusieurs associations, mais vraiment pour se projeter dans la sensibilisation du handicap et l'inclusion. Et c'est ça qui était très intéressant, voilà. Qu'est-ce que vous en avez retiré, vous, personnellement, de cette aventure en Corse ? Ah, c'est quelque chose, humainement, c'est très particulier parce que du coup, on fonctionne en binôme. Il y avait un voyant et un non-voyant. Et du coup, c'est aussi le côté relationnel avec la personne. C'est apprendre à se connaître et puis apprendre à se comprendre. Moi, je navigue tout seul et j'ai juste quelqu'un qui me dit à gauche, à droite, attention, là, il y a un rocher, donc il faut passer sur le rocher. Enfin, il y a une hauteur de 40 cm. Puis après, ça peut être des marches. Enfin, voilà, c'est toute une explication. Donc, c'est assez complexe pour la personne qui est devant moi, parce que c'est elle qui passe devant et qui me raconte, en fin de compte. Et c'est moi qui me débrouille tout seul derrière, quoi. Toutes les déficients visuels qui étaient présents sur cette Corse, sauf un, sont tous des déficients visuels qui ont perdu la vue. Et ça, c'est aussi important parce que du coup, on a un ressenti qui est différent. Et en fin de compte, moi, j'étais animateur socio-éducatif. Il y avait une ancienne institutrice qui a perdu la vue, une personne qui travaille dans un hôpital. Voilà, donc c'est toutes les personnes qui ont perdu la vue subitement par des maladies et en fin de compte qui se lancent un défi, quoi. Donc projection le jeudi 10 mars à Saint-Max. Il y aura d'autres projections prévues dans d'autres villes, même partout en France, hein, de ce oui, film. Oui, Lyon, Paris, Toulouse, voilà, là, voilà, donc il y en a vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs de venir le jeudi 10 mars à Saint-Max ? Oui, de venir si vous voulez comprendre un peu ce que c'est la déficience visuelle. Et puis, si autour de vous, vous avez aussi des personnes qui sont déficientes visuelles, hein, qui sont atteintes de Démela ou de choses comme ça, bah, c'est le moment de leur montrer que on peut faire des choses même avec un handicap. Hein. C'est ça qui est important, c'est de se dire, voilà, le handicap ne nous arrête pas, quoi. Et justement, ça nous procure des sensations encore plus étonnantes, quoi. Voilà. La projection, c'est à 20h, c'est au Cinéma Royal, le 18 rue Saint-Livier à Saint-Max. D'autres projets pour l'association du sport plein la vue? Ah bah il y en a quelques-unes. On attend que le Covid fait son tour, mais oui, on aimerait bien faire un séjour en tandem. On aimerait faire Nancy-Strasbourg en projet, mais justement en inclusion, le projet c'est de former des jeunes adolescents, à être pilotes de tandem et à partir sur les routes avec des déficients visuels pour justement créer de l'inclusion, mais aussi de l'intergénérationnel. C'est ça qui nous intéresse. Eh bien, on aura l'occasion certainement de reparler sur Fadjet avec vous, Jean-Michel Gonsalves. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Mais de rien. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.